cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fi darsina al-akhir, intahayna min al-fasl al-tasi', on a fini le 9e chapitre fi hukm al-talaq wa ma yura'a fih. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il avait cité deux points importants. أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته فلا يطلقها وهي حائض. Il n'a pas le droit de la divorcer alors qu'elle est en état de menstrue. Et كذلك si elle est في الطهر وجامعها فيه فكذلك لا يجوز. Il est obligé d'attendre un tahir ou un tathur et après il la divorce avant d'avoir des rapports. هذا الباب السابق. ثم باب اليوم قال الفصل العاشر فيما يترتب على الطلاق. أي إذا طلقها كما تقدم معنا في العدة التي أمر الله بها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فإذا طلقها سوف impliquer des choses. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما يترتب على الطلاق لما كان الطلاق فراق الزوجة فإنه يترتب على هذا الفراق أحكام كثيرة منها. Il va résumer, لأن هذه المسألة مطولة في كتب الفقه, لكن هنا il a cité des points importants et il a résumé. قال أولا وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أو خلى بها. La première chose, أن إذا طلقها divorce cette femme فيجب العدة, لكن dans deux cas il a cité هنا إذا دخل بها أو خلى بها. الدخول في الجماع مثلا واحد il s'est marié avec une femme il y a 3 mois بعقد صحيح, c'était sa femme et il a eu des rapports معها vu que c'était sa femme, ثم طلقها. فسيل la divorce une عدة, et on verra العدة c'est une période. Idda, ils l'ont appelé Idda, ça vient du mot Adad. Adad, c'est le nombre. On verra que Imma s'est compté en mois. Imma s'est compté en période de cycle, de menstrue. Imma s'est compté par rapport à l'accouchement, quand la femme elle accouche. Al-Muhim, c'est du temps, une limite de temps, une durée. Falihada, soumied bil Idda. Enfin, le premier cas, si il divorce sa femme, il a eu des rapports avec elle. Deuxième cas, ou khala biha, même s'il n'a pas eu de rapport, il s'est marié avec cette femme, thumma il est resté avec elle quelque temps, seul, mathalan dans leur foyer, wa ba'd al-ulama yaqulun, même dans ce cas, il y a une idda. Limadha li'annahu il était seul avec elle et il pouvait, et il avait la capacité d'avoir des rapports avec elle, même s'il n'a pas eu, fa y a quand même l'idda. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, amma إن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها. Troisième cas, on verra أنه il divorce cette femme, لكن il n'a pas eu de rapport معها et il s'est jamais retrouvé seul avec elle. Ça arrive. Hein? رجلون يتزوج بمرأة avec un عقد صحيح إلى آخره. ثم il se passe quelque chose, il n'a même pas eu le temps d'habiter معها من باب أولى d'avoir des rapports et il divorce. في هذا الحال لا pas d'عدة. Donc ça te fait trois cas. Le premier cas, il est clair. وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته هذا لا شك فيه. أنه si il a déjà eu des rapports avec cette femme et il la divorce, فلا بد من عدة. Et on verra, inshallah, la durée. أما قوله أو خلى بها هذا العلماء اختلفوا في هذا. جمهور العلماء على وجوب العدة. La plupart des savants, la majorité des savants, يقولون بقول شيخ العثيمين. أنه même s'il n'a pas eu de rapport معها لكن خلى بها il y a quand même العدة. Elle ne peut pas se remarier directement. C'est ça معنى العدة. أما le cas où il n'a pas eu de rapport avec elle, il n'est jamais resté seul avec elle, elle n'a pas de عدة, il l'a divorcé, elle peut se remarier. Mais vous, أما le fait qu'il n'ait pas eu de rapport معها كما قلنا العلماء اختلفوا, et on ne détaillera pas هنا لأن c'est une مسألة qui est cité dans des livres qui sont plus vastes que celui-ci. لكن بعض العلماء قالوا أنه يبدو عدة في هذا الحال. ومنهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ولعله c'est le قول الصواب il est أقرب. لماذا؟ لأنه il n'a pas eu de rapport. Et العدة من حكمتها. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré cette عدة? Pour voir si cette femme elle n'est pas enceinte. Elle ne peut pas se marier directement. لماذا؟ لأن si elle se marie directement après avoir été divorcée. فربما son nouveau mari il a des rapports معه et تختلط الأنساب. Et ta'lamoun, à l'époque, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas les moyens de médecine pour savoir l'enfant, il est de qui. Cette femme, elle tomberait enceinte, on ne saurait plus si le père, c'était le mari, le premier qui l'a divorcé, ou son nouveau mari. Pour fermer la porte, une période, hatta, si elle n'est pas enceinte, elle peut se remarier. Il y en a, c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Et كذلك من الحكم, on a déjà cité dans le dors précédent, on a cette période, ربما son mari la récupère. Il la récupère et ça reste sa femme. على كل حال, s'il n'a pas eu de rapport, الذي يظهر, c'est qu'il n'y a pas de عدة. والله أعلم. Et ce sujet, cette question, vous la traiterez, inshallah, si un jour vous faites des livres de fiqh plus vastes que cette risale. قال أما إن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. Vous avez vu que في الآية c'est bien cité هذا الضابط. أي s'il a eu des rapports, il y a une عدة. S'il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas de عدة. فلهذا الإمام الشافعي c'est basé sur ظاهر الآية. Et là, son قول il est أقرب والله أعلم. قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Ça montre أن لا عدة c'est s'il y a eu des rapports, s'il n'y a pas eu de rapports, il n'y a pas de عدة. والله أعلم. Donc, l'aïe elle est claire أن celui qui s'est marié avec une femme et il n'a pas eu de rapport معها وما خلا بها كذلك فلا شك هذا il n'y a pas de عدة. بقي الآن la durée de cette عدة. On sait dans quel cas il y a une idda. Et on ne rentrera pas dans les détails. Il y a plusieurs cas. Il y a l'idda de l'mutallaqa. Il y a l'idda aussi de l'mutawaffa anha zawjuha. On restera plus dans le divorce. On ne détaillera pas kathir. Il y a l'mutawaffa kadalik. Et ça ressemble, le haqiqa. Et la femme qui a perdu son mari est mort. Kadalik, il y a un cas qui cite l'ulama, la femme, son mari, l'a disparu. Plus aucune nouvelle. Enfin, combien de temps elle doit attendre? Sa idda, ça va être combien de temps? Il a akhir. Qala, wal iddatu thalathatu hiyad, in kanat min dhawatil hiyad. Premier cas, anna si cette femme, elle a les menstrues, c'est une femme qui a des menstrues, comme la plupart des femmes. Fa sa idda, ça sera thalath hiyad. Trois cycles. Trois cycles, مثلاً, elle a ses règles, tathur. Après la troisième fois, فخلاص, si son mari ne l'a pas récupéré, c'est plus sa femme. Si son mari ne l'a pas récupéré, c'est plus sa femme. Si il veut se remarier avec elle, il se remarie min jadid. Il la demande en mariage avec le wali, avec le mahr, il a akhir. Comme s'il ne s'était jamais marié avec elle. Si ça fait trois fois qu'il a divorcé, il a divorcé une fois, ثم il a récupéré deux fois, trois fois, c'est la troisième fois, il n'y a plus d'idda et il n'a pas le droit de se marier avec elle tant qu'elle ne se remarie pas avec un autre. Et elle a une idda par rapport à son nouveau mari, le temps que qu'on sache qu'elle n'est pas enceinte. Et tout ça, ça sera inshallah dans des autres livres. Al-Muhim, wal-iddatu thalathu hiyad in kanat min dhawati al-hiyad. كما قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. C'est ça الدليل من سورة البقرة. ثلاثة قروء أي حيض. Trois cycles. Ça c'est pour la femme qui a ses règles. قال والثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض. Si c'est une femme qui n'a pas de règles. Et ça arrive pour les femmes qui ont atteint un certain âge. Si son mari l'a divorcé et elle a atteint cet âge, elle attend trois mois. Ça arrive كذلك pour les femmes qui sont jeunes. Si elle s'est mariée jeune et elle n'avait pas encore les règles, ça ne fait chier. À la kulli hal, vous avez vu, chaque femme elle a son cas. كما قال عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي يئسن أي لفام كي كنو با دو ريغل من المحيض فسكا 3 mois tu comprends cycle de règles les mains elle a pas ses règles elle attend 3 mois et quand vous avez fi kutub al-fiqh une durée avec les mois c'est les mois hijri c'est pas les mois que beaucoup de personnes ils utilisent là c'est les mois du calendrier lunaire de l'hijra c'est pas les autres c'est, tu comptes pas avec les autres mois. قال ووضع الحمل إن كانت حاملا troisième cas si cette femme elle est enceinte et son mari la divorce فساعدها c'est jusqu'à ce qu'elle accouche وهذا تقدم معنا أن ça peut durer longtemps il y a une حكمة عظيمة لعل هذا الرجل il récupère cette femme لماذا لأن elle porte son enfant وإلا s'il attend jusqu'à qu'elle accouche et elle accouche c'est plus sa femme. قال الله تعالى وأولات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن. Donc, al-idda, elle est wajiba. Et on a, sur Nathémie, il a cité plusieurs cas. La femme qui a ses règles, c'est 3 cycles. La femme qui n'a pas ses règles, c'est 3 mois. Et la femme qui est enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche. Cette idda, c'est la période où le mari peut récupérer sa femme. Il peut la récupérer même sans l'autorisation du wali, sans mahr, c'est sa femme. S'il veut la récupérer, il la récupère et c'est compté un divorce. Il lui en reste deux. Le deuxième, le troisième, khalas, elle est haram, alayha. Jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Kama sayati ma'ana. Qala, thaniyan tahrim zawja ala zawj. Idha kana qad talaqaha qabla dhalika talaq marratayn. S'il l'a divorcé deux fois, thumma il l'a divorcé une troisième fois, fatahrum alayhi. Ça devient une ajnabiyya pour lui. C'est plus sa femme en aucun cas. قال يعني لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة ثم طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة أو تزوجها بعدها ثم طلقها المرة الثالثة فإنها لا تحل لها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا يجامعها فيه ثم يرغب عنها ويطلقها إلى آخر. هنا il a cité une مسألة. في الحقيقة il y a plusieurs cas. قال لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة. Laissez de côté قوله أو تزوجها بعد العدة. C'est une autre مسألة. Donc le premier cas لو طلقها زوجته ثم راجعها في العدة. ثم une deuxième fois. ثم une troisième fois. Après la troisième fois, khalas, tahrum alayhi. Tant qu'elle ne se marie pas avec un autre homme, ça ne peut plus être sa femme. Dans un cas, si elle se marie avec un autre homme, un aqd sahih, comme ça a été, et il la divorce, thumma, dans ce cas-là, il peut se remarier avec elle. Un deuxième cas, il a cité huna, qala, aw tazawwajaha ba'd al-idda. Al-idda, on prend une femme qui a ses règles, qui n'est pas enceinte. 3 cycles. Cet homme, il divorce sa femme. Son premier cycle, il la récupère pas. Deuxième cycle, il la récupère pas. Troisième cycle, il la récupère pas. C'est plus sa femme. Il se remarie avec elle. Avec un aqd, avec un nouveau mahr, il a akhri. Ça redevient sa femme. Lakin, le premier divorce, il est compté. Il l'a déjà divorcé une fois. Ça redevient sa femme, il lui reste deux divorces. Il y a encore un problème, il la divorce. Elle est dans sa idda, premier cycle de règles, deuxième cycle, troisième cycle, il la récupère pas. C'est plus sa femme. Il la récupère. Quand je dis la récupère, il se remarie avec elle, ahsan. Nouveau mahr avec le wali, aqd ila akhir. Ça redevient sa femme, il lui reste qu'un divorce. Mouhim, il y a un autre problème, il redivorce. Dans ce cas-là, ça fait 3 fois, c'est plus sa femme. Cheikh Ibn Uthaymeen, qawluhu, quand il a dit, لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة, أو تزوجها بعد العدة, ça montre dans les deux cas, les divorces ils sont comptés. Qu'il la récupère dans l'idda, ou il laisse la période de l'idda passer, c'est plus sa femme, et il se remarie ma'aha, c'est compté le premier divorce, le deuxième, si c'est 3, c'est plus sa femme. Mais vous, قال شيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع, il a résumé ces cas, on les lit, قال فلهذه المسألة ثلاث صور, 3 cas, طلقها ثم راجعها فلا يملك إلا ما بقي. Cette masala est importante si tu la comprends pour bien comprendre le nombre de divorces. 3 c'est maximum. Enfin, si il divorce cette femme, ثم il est dans l'idda, il la récupère, alhamdulillah, c'est sa femme, c'est compté un divorce. Il lui restera que 2. S'il la divorce une deuxième fois, il ne lui restera que 1. S'il la divorce une troisième fois, khalas, c'est plus sa femme. Ça, c'est le premier cas, c'est le cas ordinaire. Deuxième cas, طلقها ثم انقضت عدتها. Il la divorce. ثم العدة الفيني. On reprend la عدة d'une femme normale qui a ses règles, qui n'est pas enceinte, 3 cycles. Il la divorce, les 3 cycles, il passe. Et il ne la récupère pas, c'est plus sa femme. Il se remarie avec elle, il a le droit. Il lui reste 2. Il y en a le premier, il est compté. قال شيخ ابن عثيمين طلقها ثم انقضت عدتها ثم يتزوجها بعقد جديد فلا يملك إلا ما بقي. Ça c'est important. Il y en a beaucoup de gens qui pensent que vu qu'il s'est remarié avec elle, avec un عقد, la عدة elle était finie, كأنه il s'est marié avec cette femme et le premier divorce il n'est plus compté. Là, le premier divorce il est compté. Il lui reste plus que 2. Donc il n'y a aucune différence avec le premier cas. هذا قول ابن قدامة رحمة الله عليه ذكره وقال أنه لا يعلم خلاف في هذا. Il a cité rahmatullah alayhi anna hu, il ne connaît pas de khilaf fi hada. Wa ta'lamun ibn Qudama rahimahullah, c'est un imam fil fiqh, il a ittila'a wasi'. Troisième cas, talaqaha thumma anqadat 'iddatuha thumma tazawwajat bi akhar thumma faraqaha athani thumma tazawwajaha al-awwal fala yamlik illa ma baqi. Il divorce cette femme, on est dans l'idda, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, il la récupère pas, c'est plus sa femme. Un autre homme, il la demande en mariage, il se marie avec cette femme. Et elle accepte. Elle a un problème avec son nouveau mari, il la divorce. Le premier mari, il la récupère. Il se remarie avec elle, avec un aqd il a akhiri. Est-ce que le premier divorce, il est compté? On a un khilaf bayna ahl al-'ilm. Limada li anna elle s'est remariée avec un autre homme. Ba'd al-'ulama yaqulun annahu c'est compté. Ba'd al-'ulama, ils disent là, s'il se remarie avec elle, il repart à zéro. Et là, 3 divorces. 6 divorces. Ça revient à zéro. Hadi as-sura fiha khilaf, et vous la détaillerez inshallah si vous étudiez des livres plus détaillés fi al-fiqh. Amma Cheikh Ibn Uthaymeen huna qala fala yamlik illa ma baqi. Cheikh Ibn Uthaymeen pour lui rahmatullah alayh, pour lui c'est comme les autres cas. Même si elle s'est remariée avec un autre homme et il se remarie, il avait divorcé une fois, il lui reste que 2. Un autre cas qui n'est pas cité, qu'on n'a pas cité, fi al-haqiqa il est clair. Intallaqaha, s'il la divorce 3 fois, s'il la divorce 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tahrum alayh. Et c'est ce qu'on va lire, inshallah, l'un. Si là, elle se marie avec un autre homme, et il y a un problème, il divorce, et ouais, il veut se remarier avec elle, et elle accepte, fa fi hadha al-hal, vu qu'ils ont fini les 3, il lâche, fa fi hadha al-hal, ils reviennent à 0. Et, hadha, bil ijma, naqalahu al-imam al-mundir, rahimahullah, limada, liana, le maximum, c'est 3. Et ils ont déjà été divorcés 3 fois. Et elle s'est remariée avec un autre homme. Il a le droit de se remarier avec elle بعد, si elle divorce. Riyad al-Hal, la chaknahum, ils reviennent à zéro. Hada, wallahu a'lam. Si vous avez compris hada, on lit la mas'ala suivante. قال فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويجامعها فيه ثم يرغب عنها ويطلقها. Dans ce cas-là, ça s'appelle al-baynun al-kubra. Cette femme, elle lui est interdite. Khalas. Limada li anna il l'a divorcée 3 fois. Dans ce cas-là, قال شيخ ابن تيمين فإنها لا تحل له. Ça devient une ajnabiya pour lui. C'est plus sa femme. Et même s'il a des enfants, معها. Sauf dans un cas, قال حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويجامعها فيه. Avec cette condition, que ça soit un nikah sahih, avec un contrat de mariage, un wali ila akhirih. كذلك, que cet homme il a des rapports avec cette femme. ثم, s'ils ont un problème et ils divorcent, ففي هذا الحال, si c'est une femme divorcée, elle n'a plus de mari, le premier a le droit de la demander en mariage. Et ça redevient sa femme. قال فإنها بعد ذلك تحل للأول لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن قال فإن طلقها. Donc les deux premiers, الطلاق مرتين, le divorce deux fois, هذا معروف, il y a العدة, il peut la récupérer. إلى أن قال عز وجل فإن طلقها يعني المرة الثالثة. الطلاق مرتين, c'était les deux premiers, les deux premières fois. Si la divorce la troisième fois, قال عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها. Donc dans ce cas-là, le premier il a divorcé trois fois, la tahillu lah, elle est haram pour lui. قال عز وجل حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها. Et le deuxième, s'il la divorce. قال شيخ ابن تيمين يعني الثاني فلا جناح عليهما. Et le premier, la junah alayh. Et il n'y a pas de mal qu'il la redemande en mariage et qu'il se marie avec cette femme qui était sa femme avant de se marier avec cet homme. قال يعني الزوج الأول وزوجته التي طلقها. قال عز وجل أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. سورة البقرة فيها تفاصيل طيبة في الطلاق. كذلك سورة الطلاق. كذلك سورة النساء. تنبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. هنا بعض الناس يزون حيلة. Ils se sont précipités. Ils ont divorcé trois fois. Ça arrive كثيرا. Et vu qu'ils connaissent هذه الأحكام, et dans les pays musulmans, والله الحمد, ils appliquent هذه المسائل في الطلاق. Et بعضهم ils ont une hila, أنهم vu qu'ils regrettent, ils ont divorcé trois fois, ils savent que ça peut plus être leur femme, sauf si elle se marie avec un autre, avec un contrat, ثم il la divorce. في هذا الحال, il a le droit de se remarier. فماذا يفعلون؟ التحليل. Ça s'appelle التحليل. Et le fait de rendre halal cette femme. Comment la rendre halal? Un homme il se marie avec cette femme même s'il veut pas. Ça arrive. عيادا بالله بعوض بمال. مثلا, ils vont donner de l'argent à cet homme pour qu'il se marie avec cette femme. Et imma les deux, imma l'homme muhim, ils n'ont pas l'intention de rester ensemble. Lakin, l'essentiel c'est qu'il y a un contrat de mariage. Wa عيادا بالله, des rapports. ثم il la divorce. Hatta elle a son nouveau mariage avec le divorce, donc elle peut se remarier avec le premier. هذا الرجل أو هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل c'est qui? C'est le deuxième homme, celui qui va se marier, avoir des rapports pour que cette femme elle devienne halal. Pour qui? المحلل له, أي le premier. Les deux ils sont malou. Et الزواج il est باطل. الزواج il est فاسد. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات, النيات était فاسدة, فالسو mariage il est pas pris en compte. فلهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول. Cette femme elle a pas le droit de rester avec son nouveau mari, لأن l'intention c'était pas de se marier pour rester ensemble. Elle a pas le droit de rester avec lui et elle a pas le droit de revenir au premier. L'acte de mariage doit être annulé et elle a pas le droit de revenir au premier. Là, obligé d'avoir un nikah sahih, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, nikah sahih et yujami'uha fi. كذلك, si elle se marie, elle divorce et cet homme il a pas eu des rapports avec elle, c'est elle a pas le droit de revenir au premier. قال الشيخ ابن باز ولا تحل للزوج الاول لان هذا ليس بزواج. وهذا صغير من من من من الذين اذا خوف من الله ضعيف قليل, لان الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى ويسمع. Et Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz shara'a hadhihi al-ahkam pour que ces ahkam ils soient appliqués bisidq. Fal insan limadha li'anna Allah rahim. Al-insan peut-être qu'il a divorcé cette femme et il regrette. Fa Allah subhanahu wa ta'ala shara'a hadha, c'est pas impossible de se remarier avec elle. Il reste un cas. Amma employer cette hila, payer quelqu'un iyadan billah pour qu'il se marie avec elle, thumma il la divorce et le premier mari la récupère. هذه سين حيلة تشبه, elle ressemble à حيل اليهود عيادا بالله. الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت. الله leur a interdit de pêcher le samedi. Et اليهود أخزاهم الله, ils plaçaient les filets de pêche vendredi et les récupéraient le dimanche. حيلة حيلة. الله سبحانه وتعالى il a interdit la pêche le samedi. Enfin, si le filet, le jour du samedi, il est présent et les poissons, ils sont pris dans ce filet, c'est la même chose. لكن هكذا الذين لا يخافون الله. Et بعض المسلمين تأثروا بهذه الحيل. الحيل c'est une ruse, faire une chose pour essayer d'éviter le haram clair. لكن c'est haram, c'est haram. فلهذا هذا الزواج اللي appelle بالتحليل c'est haram. والله المستعان. قال وإنما حرم الله المرأة على من طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره لأن الناس كانوا في أول الإسلام يطلقون ويراجعون بأي عدد كان. شيخ ابن عثيمين conclut le chapitre du divorce en montrant pourquoi c'est limité à trois. لماذا؟ لأن avant الإسلام في الجاهلية الناس ils n'avaient pas de limite. يطلقون رجعة يطلقون رجعة et dépassaient beaucoup plus que trois. قال فغضب رجل على امرأته فقال لها والله لا أويك ولا أفارقك. قالت وكيف ذلك؟ Cet homme s'est énervé contre sa femme et il a juré أنه il va pas la récupérer et il va pas la divorcer et il va la laisser entre les deux. كيف ذلك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. أي qu'est-ce qu'il faisait؟ Il a divorcé et vu que l'عدة مثلا si on prend l'عدة 3 cycles فإذا attendaient dès que c'est bientôt fini le 3ème cycle il la récupère, ça redevient sa femme, ثم il la redivorce, les cycles passent il la récupère, le divorce, et ça peut rester des années comme ça et cette femme elle est bloquée, c'est du dhulm. الإسلام من رحمة الله عز وجل أن سيتي بلوكي على 3 حتى لو ميلي با انجست انفير سا فام. اون فوا إلا ريكوبير، دو فوا إلا ريكوبير، 3 فوا سي فيني. قال الشيخ ابن عثيمين، إلى رابورتي الحديث، قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك فذكرت المرأة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان ووقت العدد بثلاث أي 3 فوا رحمة بالنساء من ظلم أزواجهن. بعض العلماء يذكرون هذه القصة في سبب نزول هذه الآية من سورة البقرة وينظر صحة هذا الحديث. أما الشيخ مقوي رحمه الله في صحيح المسند من أسباب النزول إلى باسيتي هذا السبب وينظر. Ça ne veut pas dire que si Cheikh Mokbil ne l'a pas cité, il est daïf. Lakin, ma wajadna fi kitab Cheikh Mokbil, lakin yundar des autres sources. Qala Cheikh Al-Uzaymin, ayyuha al-ikhwa, la'allana ataina bi jumalin kathira min ahkam al-nikah, mutaharrina bi thalika an takoon bil qadr al-munasib min ghayri tatwil mumil, wa la taqsir mukhil. Risalatun nafi'a. Il a cité des masa'il fi ahkam al-nikah wa al-talaq et il a résumé. Et fi al-haqiqa, ce résumé fi khayr kathir. Beaucoup de masa'il, il les a cités. Et la shakana, il y a beaucoup de points qui ne sont pas cités. Lakin ma dhakarahu fi khayr kathir. Wa al-ilm hakada. Daraja. Khassatan wa yata'allaq bi hadhi al-ahkam fi al-talaq wa al-nikah. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de masa'il. Celui qui rentre fi hadi al-abwab sans avoir des bases, khassatan si il connaît pas les hadiths et les ayats, c'est ta'ab. Falihada, on avait choisi de lire ensemble cette risala hatta on a des bases fi hada et alhamdulillah risala bi akhir kathir. Beaucoup de ahkam fi nikah, tu connais les shurut, tu connais ma ala zawj, ma ala zawja, tu connais ce que ça implique, tu connais kadhalik des bases fi talaq. أن تل طلاق سحرام أن يفو ديفورسي على تل مومون tu connais ما دي مسائل ما يتعلق بالعدة فخير كثير. Si tous les couples ils auraient des connaissances بهذه المسائل ولو باختصار يغن خير عظيم avec les نصائح de Cheikh ibn Uthaymeen إلى آخره فالحمد لله. قال وأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويجعل العمل خالصا لله موافقا لمرضات الله وأن يجعل من هذه الأمة جيلا عالما بأحكام الله حافظا لحدود الله قائما بأمر الله هاديا لعباد الله. دعاء طيب والخير سيف العلم. فلهذا الشيخ ابن عثيمين إلى في هذا الدعاء أي une génération تكون عالما يكون هذا الجيل يكون عالما بأحكام الله لأن كثيرا من الناس إزام الدين et quand ils divorcent ou quand ils se marient veulent appliquer le din lakin al-jahl. Ils reviennent pas aux savants, ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas la capacité. Enfin, vu qu'ils se marient et des choses, ça se passe très rapidement au le divorce. Et yukhalifuna shar' Allah an jahl. C'est pour ça que donner du temps, c'est moins. Mais c'est pour ça que nous, on doit donner du temps à hada. Tu vas pouvoir aider tes proches. Tu vas pouvoir montrer à certains. Voilà où des références, c'est une ni'ma. Et si tu peux résumer al-masail, leur faire comprendre, fa alhamdulillah. قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر نعم في عام 1389 نعم ونا 1440 صافي 40 50 صافي 51 رحمة الله عليه. رسالة نافعة جدا. رسائل الشيخ ابن عثيمين فيها خير كثير. لماذا؟ لأن إمام محقق يسامبليفي المسائل. فلهذا سي ليفر سي زيكسبليكاسيون فيها خير كثير ويستفيد منها طلبة العلم كثيرا. لماذا؟ لأن إلى سامبليفي بوكو دو مسائل رحمة الله عليه. فالحمد لله. Et le prochain cours, et Inch'Allah, on essaiera de commencer la semaine prochaine. On finit Kitab Tawhid déjà la semaine prochaine, Inch'Allah. Thumma, on commencera les deux nouveaux cours ensemble. Naktafi bihad al-qadr. Walhamdulillahi rabbil alamin.